dresses dans le pays des villes, où la fuite devient espérance pour celui qui sans préméditation a vu sa vie basculer dans la violence. La justice demeure nécessaire, mais la fuite trouve une porte ouverte, car tu es un Dieu juste et saint, mais aussi un Dieu de grâce. Ta loi n'écrase pas l'homme, elle le protège aussi. Merci pour les villes de refuge, pour les lieux où la faute respire, où la justice retient son glaive pour laisser place à l'avenir. Merci pour les villes de refuge, image de ton grand pardon, où même celui qui a chuté peut retrouver une nouvelle direction. Nous trouvons l'abri suprême.